Le premier ministre coréen Park Bong-joon a envoyé le 21 courant un message de félicitations à Badibanga Untita Sami, élu premier ministre du Congo démocratique. Il a affirmé sa volonté de collaboration active pour le développement continu des relations d'amitié et de coopération bilatérale dans tous les domaines et souhaité grand succès dans son travail pour la stabilité politique et le progrès socio-économique du pays.